La différence entre l'illusion et la manipulation, le saisissement, la compréhension de cette différence-là, pour l'homme, est fondamentale pour lui permettre éventuellement de prendre conscience des assises de sa conscience. Ce qu'eux autres appellent les assises de sa conscience, c'est la personnification occulte de son moi dans les mondes invisibles. La personnification occulte, c'est-à-dire voilée, du moi de l'homme dans les mondes invisibles. Pour que l'homme puisse prendre conscience de cette personnalisation-là et éventuellement en arriver à être libre, c'est-à-dire à l'abri des assauts sur sa conscience, faut qu'il ait une forte réalisation de la différence entre l'illusion de la pensée et la manipulation de la pensée. Si on regarde la manipulation de la pensée à partir des plans, leur façon de la décrire, cette manipulation-là, ils disent que la manipulation de l'ego à partir des plans, c'est leur manière de s'engager avec l'homme. Quand une entité mentale est engagée avec l'homme, donc quand il y a une connexion entre l'homme et les plans, la manipulation est, pour eux autres, leur façon de s'engager avec l'homme. Et ils ne peuvent pas s'engager avec l'homme dans le plaisir de la vie. Ils peuvent simplement s'engager avec l'homme dans la souffrance de la vie. Parce que si l'homme était simplement dans le plaisir de la vie, l'homme n'aurait pas besoin d'avoir conscience des plans. Parce que ses sens seraient suffisamment nourris pour continuer à vivre sa petite existence comme un animal intelligent. Mais à partir du moment où la souffrance entre dans la conscience de l'homme, c'est-à-dire à partir du moment où l'ego est mis en vibration, un animal, ça ne souffre pas, psychologiquement. Tu lui donnes un coup de pied, ça fait mal, point final. Mais ça ne souffre pas un animal parce que ça n'a pas d'ego. Tandis que l'homme, lui, souffre. Alors, à travers la souffrance, c'est à travers la souffrance dans la conscience de l'ego que l'ajusteur de pensée ou une entité quelconque, on va parler de l'ajusteur de pensée là, parce que c'est plus fondamental, c'est à travers la souffrance existentielle de l'homme que l'homme prend conscience des plans. Dans l'évolution, l'homme prenait conscience de Dieu ou prenait conscience des forces spirituelles à travers sa souffrance. Quand il n'y avait pas de souffrance, il ne prenait pas conscience de Dieu et des forces spirituelles. Il tombait simplement dans le mouvement orgiastique de son ego. Voulez-vous le dire? Quand tu fais l'amour à ta femme, tu ne penses pas au bon Dieu. Quand tu manges un bon steak, tu ne penses pas au bon Dieu. Mais quand ça va mal avec ta femme, quand tu perds ta job, je donne des exemples stupides, là. Quand ça va mal, là, tu penses au bon Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'aide. Fait que pendant l'évolution, les églises, les religions ont fourni à l'homme des outils très, très primitifs pour qu'il puisse développer un support moral. Parce que pendant l'évolution, l'homme, les églises, l'homme, les philosophes, les initiés, l'homme sur la Terre, la conscience planétaire n'avait pas la capacité d'interférer directement avec le processus occulte conscient de la conscience humaine sur la Terre. L'homme n'était pas capable d'interférer, de bloquer le travail des entités parce que l'homme n'était pas conscient des entités. Pour arrêter ton ennemi, il faut que tu saches que tu es un ennemi. Donc, pour l'homme, le monde spirituel, c'était pas son ennemi, au contraire. Alors que dans l'évolution, l'homme va réaliser que les entités, techniquement, sont en inimité contre l'homme. Pas dans un sens moral judéo-chrétien, mais dans le sens qu'à partir du moment où une entité vient en contact télépathique avec l'homme à travers ce qu'on appelle la pensée, dans un événement ou à travers un événement qui ne fait pas son affaire, donc qui naturellement va créer de la souffrance, Il se produit chez l'homme une prise de conscience spirituelle au début, et plus tard, il se produit chez l'homme une prise de conscience mentale avancée. C'est évident que pendant l'évolution, l'homme est toujours est obligé de prendre, avoir une prise de conscience spirituelle, parce que l'homme a été formaté pour penser que Dieu existe, puis que Saint-Joseph existe, puis que la Vierge est là, puis toute la crise de gang d'autres bords sont là pour l'aider. Alors que dans l'évolution, l'homme va prendre conscience que les entités spirituelles font partie du monde astral. Ça, c'est du monde qui sont morts, qui sont rendus d'autres bords, puis qui ont des jobs, comme nous autres, on travaille. Puis qu'au-dessus de ça, tu as des entités cosmiques, des ajusteurs de pensée, qui ont jamais été incarnés, mais dont la job est de mettre l'homme en vibration sur le plan mental à travers ce qu'on appelle la pensée. Donc, à partir à la fin du 20e siècle, l'homme a commencé à savoir qu'est-ce que c'est penser. C'est quoi l'origine de la pensée? C'est bien beau penser, mais tu ne peux pas penser forever comme Descartes qui pense, qui pense. Je pense, donc je suis. Ça va plus loin que ça. Fait qu'à la fin du 20e siècle, l'homme a commencé à comprendre que la pensée, c'est un phénomène de communication basé sur une relation vibratoire entre des êtres de lumière et un être mortel, qu'on appelle l'homme. Cette relation vibratoire-là crée sur la Terre une composante existentielle qu'on appelle la conscience expérimentale. La conscience expérimentale de l'homme, c'est une conscience qui est non créative, dans le sens que l'homme est obligé de subir sur la Terre un certain karma, c'est-à-dire une planification de sa vie à partir du moment où l'âme rentre dans la matière. Fait quand l'âme rentre dans la matière, si t'es en Afrique du Sud ou en Afrique quelque part, c'est évident que tu ne vas pas avoir le même karma que si ton âme rentre dans la matière ici, dans une famille de médecins. Si tu es une fille et tu rentres dans un corps de femme en Chine au 19e siècle, c'est sûr que tu ne vas pas avoir la même vie que les filles ont vécu durant la période victorienne en Angleterre. Donc, le karma planétaire, ça fait partie de l'inconscience ou de la conscience expérimentale de l'âme. Et un jour, il faut que l'homme en arrive à se libérer de ça. Ça veut dire ça, que l'individu qui a une programmation à cause de son incarnation, il faut qu'il en arrive à travers la réalisation de sa conscience mentale, c'est-à-dire à travers l'élimination des éléments psychologiques de son moi existentiel, c'est-à-dire sa conscience expérimentale, c'est-à-dire sa conscience qui est construite d'un bout à l'autre de la mémoire de la race. Il faut que l'homme un jour se libère de ça. Ça, c'est l'homme qui aura une conscience supramentale. Il sera libre de la mémoire de la race, mais il pourra respecter la race. Fait que si t'es un Russe, puis si tu viens d'Afrique du Nord, d'Afrique du Central, ainsi de suite, si tu as une conscience, tu vas respecter ta race, tu vas respecter tes parents, mais tu vas te libérer de la mémoire de la race. Si tu es un Juif en 39, tu vas te libérer de la mémoire de la race, tu vas pouvoir te sortir et t'en aller à New York, puis éviter le conflit hitlérien. Parce que ta conscience mentale te permet de voir à travers les illusions de la mémoire de la race. Et toutes les races sur la Terre ont des illusions, parce que les races ont été formatées pour permettre une imbrication de l'âme dans la matière et une expérience de l'âme pendant un certain nombre d'années qui permettra éventuellement à l'âme d'évoluer subjectivement pour en arriver un jour à mourir puis à revenir encore dans un autre processus incarnationnel. L'âme consciente ne revient plus en incarnation sur la Terre. Alors, il y a un processus d'information occulte, obscur, qui fait pas partie de la conscience de l'homme. Comme ce processus-là ne fait pas partie de la conscience de l'homme, l'homme vit sur la terre ce que j'appelle une conscience expérimentale, c'est-à-dire une conscience qui ne comprend pas les ordres de vie supérieurs à la sienne, qui détiennent la clé à sa conscience expérientielle. Ces ordres de vie-là font partie des hiérarchies qui composent les mondes, le monde astral puis le monde mental. Et l'homme, un jour, il faut qu'il en arrive à pouvoir communiquer avec cette crise de bande de monde-là. Avec ce que j'appelle des entités. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir communiquer avec les entités dans le monde mental, dans le monde astral, si c'est nécessaire. Pourquoi? Pour en arriver à contrôler sa destinée. Pourquoi? Comment? Pour en arriver à pouvoir éliminer le karma de sa programmation. Autrement dit, avoir une programmation qui fait son affaire, qui est sous son contrôle. Exemple, le petit gars qui vient au monde en Afrique centrale, il est capable, s'il est conscient, prendre la crise de train, s'acheter une étiquette, mettre son argent de côté, puis arriver à Paris. Se sortir du marasme d'une vie sociétale absolument abrutissante pour un esprit qui est trop évolué. Ça fait partie de la liberté de l'homme. Puis ça fait partie de toutes les causes, toutes les composantes, toutes les pigeonholes qu'on appelle en anglais, à l'intérieur desquelles nos vies ont été statuées depuis notre naissance. On a eu nos parents pour nous garder là-dedans, on a eu les églises pour nous garder là-dedans, on a eu les idéologies pour nous garder là-dedans. Toutes les architectures du mental expérientiel de l'homme sur la Terre ont servi à garder l'homme dans l'ignorance perpétuelle qui fait partie de ce qu'on appelle la composante créative d'une civilisation mécanique. Donc, on a accepté ces composantes-là parce qu'on était inconscient. On a accepté ces composantes-là parce qu'elles ont été... Elles ont été dirigées vers notre mental qui était totalement actualisé ou mis en vibration par un processus fondamentalement aliénant qu'on appelle la croyance. La crise de croyance que j'haïs et que je déteste et dont contre laquelle je lutte depuis 30 ans de ma vie. Depuis que j'ai vécu à Fusion 39. La crise de croyance. L'homme n'a pas à croire à rien. L'homme a à savoir, point final. Quand l'homme va arrêter de croire, il va commencer à savoir et il va perdre ce que lui disait après-midi, sa naïveté, qui est une forme d'ignorance, qui est une forme de fracture dans son intelligence et qui l'empêche en tant qu'être de finalement composer intelligemment avec des êtres qui font partie de sa multidimensionnalité. Son moi cosmique, ou appelez ça comme vous voulez. Pour moi, son moi, c'est un moi cosmique, tant que ce n'est pas intégré, cette affaire-là. Alors, il doit venir un temps dans l'évolution de l'homme. Ça, c'est... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Dans toute transformation fondamentale d'un statu quo, ça demande une révolution. Une révolution, c'est une transformation profonde, soit d'un âme collective, qu'on appelle les révolutions politiques, comme on a eu en Russie, comme on a eu en France, ou une transformation profonde de l'âme individuelle qu'on appelle une initiation sur la Terre. Moi, j'appelle ça une initiation. Une initiation, c'est une révolution, c'est-à-dire, c'est la fin d'un homme ancien pour la naissance d'un homme nouveau. L'homme ancien, sa façon de penser, quels que soient les paramètres qui constituent cette architecture-là, ne peut plus survivre à une lumière qui est libre de la forme, qui est libre de l'illusion de la pensée et qui est libre éventuellement de la manipulation d'un ajusteur de pensée. Ça, c'est l'évolution. Puis si vous pensez que l'évolution de l'homme va venir sans prix, vous avez fait la même erreur que ceux qui ont pensé qu'une révolution politique, ça vient sans prix. Les gens qui ont fait des révolutions politiques en France, les scientifiques qui ont fait des révolutions en sciences, Copernic, ainsi de suite, les gens qui ont transformé les abus de pouvoir anciens pour techniquement, avec l'espoir d'arriver à des états de liberté plus avancés, ont payé le prix. Les civilisations ont payé le prix. Les humanités ont payé le prix. Les sociétés ont payé le prix. Puis sur le plan individuel, l'homme paiera le prix pour être libre. Ce prix-là, c'est une initiation. La seule différence, c'est que cette initiation-là, au lieu d'être institué puis imposé par des consciences expérimentales totalement violées par les lois occultes de l'évolution, cette liberté-là, cette nouvelle conscience-là sera appliquée en relation avec son ajusteur de pensée. Donc, c'est ton ajusteur de pensée qui va mettre l'homme en initiation à partir du moment où l'homme va prendre conscience de l'ajusteur de pensée, parce que à partir du moment où l'homme va prendre conscience de l'ajusteur de pensée, l'homme va prendre conscience de la profondeur écœurante de son ignorance planétaire. Puis, l'ego, c'est-à-dire des architectures inférieures du mental humain qui font partie, qui sont connexes à la mémoire de la race, l'ego n'aime pas prendre conscience de son ignorance. L'ego, il aime ça penser qu'il est smart. Va pas dire à un curé qui est ignorant dans sa religion. Parce que lui, en tant que curé, il veut penser qu'il est prêt à rentrer au ciel, que le bon Dieu va le recevoir, mais qu'il passe aux portes de la mort. Son ignorance, elle fait partie de son karma planétaire et elle sert évolutivement à créer un support moral pour des millions et des millions d'autres ignorants. Mais si on regarde l'évolution de l'âme, si on regarde la transformation de l'âme, si on regarde l'initiation solaire de l'âme, si on parle de l'homme nouveau, de l'homme neuf, si on parle de l'homme qui éventuellement va pouvoir finalement, par télépathie, faire un raccord entre son mental et le plan mental supérieur, faire un raccord entre les énergies de son âme et les énergies de son esprit, ça va nécessiter que l'homme, un jour, comprenne les lois occultes, donc voilées, donc inédites, de sa conscience planétaire et cosmique. Donc, la souffrance, ça vient de là. C'est évident que personne ne veut souffrir. On ne veut pas souffrir. Il y en a assez de souffrance, mais il y a toujours de la souffrance quand tu prends conscience de ta propre lumière pour la simple raison que tu es obligé de t'alourdir d'un fardeau qui, pendant l'évolution, a servi ta fausse personnalité. Fait que tout le bullshit qui compose nos consciences personnelles, qu'on soit russe, qu'on soit allemand, qu'on soit, je ne sais pas moi, français, iranien, irlandais, toutes ces illusions-là, ça fait partie de la conscience expérimentale de l'homme, ça fait partie de la conscience karmique des peuples, et l'homme, en tant qu'individu, il est imbriqué dans ces illusions-là. Ça, j'appelle ça l'involution. Puis l'évolution, c'est quand l'homme se sort de cet imbriquement-là, que l'homme commence à manifester, vivre sa conscience seule, et que l'homme commence à créer ses propres architectures. Au lieu d'avoir des architectures créées par des Marx, des Karl Marx, des Lénine, des Hitler, des papes, des Innocents III, puis toute une crise de gang de mouk-mouk qui faisait partie de l'évolution et qui ont servi le pouvoir astral sur la Terre. Fait que faites-moi pas chier avec vos religions, faites-moi pas chier avec vos systèmes philosophiques, faites-moi pas chier avec la mémoire de la race. La mémoire de la race, de n'importe quelle race, même les grandes races, la mémoire de la race fait partie du karma planétaire de l'homme. C'est les structures, ce sont les vaisseaux à l'intérieur desquels les hommes ont expérimenté l'ignorance pour l'évolution spirituelle de l'ego sur la Terre. C'est clair et net. Il y a du monde qui disent, allez-vous écrire sur l'Internet, allez-vous écrire comment ça s'appelle ça là? Dans le site. Je ne sais pas si je vais écrire. Peut-être que je vais écrire qu'une fois. Peut-être que je vais écrire 1000 fois. Mais une chose que je peux vous dire, je suis fatigué, je ne veux pas travailler, puis je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait depuis 30 ans. Surtout quand je sais que ce n'est pas par l'écriture, puis par la lecture, puis par la philosophie des mots, que l'homme va comprendre ce que je veux dire. C'est par la transformation profonde de son moi, quand lui est dans la merde, puis qui sait qu'il y a un initié quelque part dans le monde, qui a finalement amené les clés de la conscience mentale, le mystère de la conscience, le mystère de la pensée, pour que l'homme finalement se décrotte les oreilles, ça. Fait que la chance que j'écrive n'est pas claire. Je ne suis pas sûr. Je peux écrire si j'ai des très bonnes questions, s'il y a des choses que je n'ai pas répondues dans 30 ans. Peut-être que je peux écrire des petits mots. Mais occupez-vous pas de ça, puis pensez pas que je suis à la disposition de vos égos spirituels et que je suis obligé, pour quelque raison que que vous pensez de répondre à vos questions. Apprenez à répondre à vos propres questions à partir du moment où vous savez, sur la Terre, que l'homme est un être manipulé dans sa conscience mentale. Vous les avez les réponses, on les a toutes les crises de réponses. Je ne suis pas plus smart qu'un autre, j'ai simplement souffert avant vous autres pour savoir aujourd'hui ce que je vous dis. C'est la seule différence. Fait que les réponses, on les a toutes, le savoir, on les a toutes. Par contre, on a peur de savoir qu'on le sait. On a peur de savoir qu'on le sait. Fait que tant que vous allez avoir peur de savoir ce que vous savez, tant que vous allez avoir peur de supporter ce que vous savez, vous ne pourrez pas expérimenter un petit peu de votre intelligence, puis vous serez toujours vous serez toujours à la recherche de mouk-mouk comme moi. Moi, je peux servir dans un certain sens, mais à un certain point, je peux plus servir parce que l'homme, il faut qu'il découvre par lui-même son propre mystère. Moi, je vous explique simplement les configurations occultes de l'ego, puis je vous explique simplement comment l'homme fonctionne à partir du plan mental et comment les structures de sa conscience mentale évolutive ont servi pendant l'évolution au pouvoir astral sur la Terre. Puis avec l'évolution, la conscience supramentale sur la Terre, puis tous les processus évolutifs qui vont se faire dans des centaines et des centaines de générations, c'est évident que l'homme de demain, il ne sera pas l'homme d'hier. Puis c'est pour ça que je suis toujours en calice. J'étais en calice depuis 30 ans. Je ne sais pas pourquoi ma pression sanguine ne saute pas. Mais j'étais en calice. Pourquoi? Parce que j'étais en perpétuelle lutte contre l'illusion astrale. Fait que je peux pas, surtout quand je suis avec vous autres, là, puis je travaille, et ainsi de suite, là, j'ai 2 heures, 3 heures, 4 heures pour vous donner un petit peu l'idée de ce que je veux dire. Je peux pas arriver à vous autres là, avec des grands thèmes philosophiques, là, puis des être suave. C'est pour ça que une des raisons pourquoi est-ce que je suis venu au monde dans la province de Québec, c'est pour être né dans un pays où il y a assez de violence dans le mental pour faire éclater la femme comme dans aucun crise de pays au monde. Vous vous rappelez Charlebois quand il était en France? Charlebois, chanteur, là, comment ça s'appelle Charlebois? Il est arrivé à Paris, là, puis il voulait chanter sa scène, là, puis toutes les crises de français étaient là, puis il parlait, blablabla. Puis il a pris sa crise de guitare, puis il l'a cassé. Il dit, tabarnak, je m'en viens ici, là. Il dit, vous allez écouter ma crise de musique ou je vais crisser mon camp. À partir de ce moment-là, il est devenu une star. Rappelez-vous ça? Ça, c'est le Québécois calice. Puis c'est à partir du Québec que cette transformation-là, ce travail profond-là va se faire. Ça ne va pas se faire à travers les grandes capitales psychologiques et philosophiques du monde, comme Paris. Moi, quand je vais à Paris, checkez vos crises d'os, c'est fini le Parisien avec moi là-bas. Je t'ai envoyé à ces chiens calices qui se rappellent de mon nom. La crise de bullshit, les grands mots, là. Merde. Mangez donc de l'hostie de merde, d'accord. Puis je ne vais pas les Américains, mais c'est trop spirituel. On est bien placé ici. On est entre les deux gros blocs. La grosse civilisation mécaniste américaine spirituelle, là, puis tous les Européens là, qui sont pétrifiés dans de l'occultisme puis de l'ésotérisme là, à la... Je ne sais pas moi. Le gars, le Rose Croix qui vient me voir et qui me dit, « Monsieur Bernard, ça fait, j'ai 72 ans, ça fait depuis que je suis jeune que je cherche la vérité. » Mais j'ai dit, tabarnak, il est temps que t'arrêtes, là, calice. Il pleurait, là, des grandes larmes, là. Oh, c'est petite calice. Je peux pas croire que je crie encore, calice. Ils disent que dans la prise de conscience de l'illusion de la pensée et de la manipulation du mental à partir des entités, l'homme va être obligé de prendre conscience de sa conscience, de prendre conscience de sa centricité. Centricité, c'est pas égocentricité. Centricité, ça veut dire que tout part de toi, il n'y a rien qui rentre. Quand tu es centrique, tu es ton propre soleil, tout part de toi, mais il n'y a rien qui rentre. Tu n'es plus influençable. Quand tu n'es plus influençable, tu te fais plus chier. Fait que si je suis un juif, ils ne peuvent pas arriver avec leur salade. Si je suis un russe, ils ne peuvent pas arriver avec leur socialiste. Si je suis un chinois, ils ne peuvent pas arriver avec d'autres choses. Puis si je suis en Amérique du Sud, ils ne peuvent pas arriver avec d'autres choses. Je suis centrique. C'est ça la conscience. Je suis prévendant. Mais je respecte Karl Marx, puis je respecte ci, puis je respecte le pape, puis je respecte le petit Jésus. Je respecte toutes les femmes, parce que les femmes ne me servent pas. Parce que je les respecte parce qu'ils servent aux autres. Puis ça, ça fait partie du respect que tu as pour les autres. Quand tu es conscient, puis tu es centré, que tu respectes les autres. Je respecte ma mère. Si elle dit, viens-tu à l'église avec moi, j'y vais. Puis si ça lui fait plaisir que je me mette à genoux, puis je fasse mon petit signe de croix, elle va le faire pour elle. Je veux pas la... Je veux pas la... Il fait de la peine. Je veux pas qu'elle pense que son fils il est athée. Fait que j'y fais plaisir. Ça, ça fait partie d'aimer ta mère. Rends l'ignorance ce qui fait plaisir. Mais garde ta conscience à toi. Ma fille, elle me dit un jour, elle dit, paraît que t'es grêlé. J'ai dit, oublie ça, c'est de la cochonnerie. Ça, c'est des réponses intelligentes. Puis ils disent que dans l'expérience extrême de la polarité, quand tu réalises là, l'illusion de la pensée et la manipulation, dans l'expérience extrême de la polarité, l'homme finalement va découvrir qu'est-ce que c'est ce qu'on appelait dans le temps notre moi supérieur. Avec la seule différence que ton moi supérieur, c'est pas la sœur supérieure. Parce que si vous ne réalisez pas ça, ou c'est avec le temps que vous allez réaliser ça, vous allez devenir des êtres spirituels. Vous allez être spiritualisés, là, vous allez flotter, là, jusqu'au jour où vous allez tomber real hard. Autant vous avez aimé la spiritualité pendant l'évolution, autant vous avez lu ça, autant vous vous êtes gargarisé de tout ça, autant demain vous allez vomir sur ça. Rappelez-vous mes mots. 1900, quelle année qu'on est, 2000? Mm-hmm. Rappelez-vous mes mots, que autant vous avez bavé dans la spiritualité, vous avez trouvé ça merveilleux, poétique, vous allez vomir sur ça. Pas parce que c'est pas beau, mais parce que ça ne vous sert plus. Ça sert les autres. Jusqu'à temps que les autres arrivent à ce stage-là. C'est comme ça que l'évolution, la conscience supramondale va se faire sur la Terre de un homme à un homme à un homme à un homme. Ça ne passera jamais par une conscience collective. J'en ai reçu un livre dernièrement, là, bien fait par un maître québécois. Là. Beau livre. Un travail ardu pendant des années. Je ne suis pas capable de lire ça. Je ne peux pas lire ça. Il voulait que je fasse des commentaires dessus. Je ne peux pas y faire des commentaires parce que si je fais des commentaires, ça va créer des chocs. Puis le livre est important pour ceux avec lesquels il travaille. Il faut respecter les... faut respecter la hiérarchie des femmes. Il faut respecter les hommes. Il faut respecter la conscience des hommes. Occupez-vous seulement de la vôtre. Il y a des gens qui me disent comment se fait que vous parlez des entités comme si ça ne sont pas fins. Vous les louangez pas. tout. Puis quand le monde me pose des questions même, je sais pas quoi répondre parce que ils sont pas dans l'expérience. D'abord, ils ne sont pas dans l'expérience télépathique, ils ne sont pas dans l'expérience du mental. Ils ne dealent pas directement avec eux autres. Ils ne connaissent pas leur ennemi. Quand tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas être en crise contre. Mais quand tu connais ton ennemi, quand tu sais comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Puis ça n'a rien à faire avec les doctrines des églises. Puis ça n'a rien à faire avec les doctrines morales. Puis ça n'a rien à faire avec les doctrines spirituelles. Que ça a simplement à faire avec l'ouverture des centres psychiques entre l'homme sur le plan matériel et l'homme sur le plan cosmique pour en arriver un jour à ce que l'homme retourne à la fameuse source. Pas que l'homme s'endorme dans le voyage. Ils sont obligés d'être de même. C'est pour ça que les religions, malgré toutes leurs fonctions inévitablement nécessaires pour le développement des civilisations, les religions ont chanté, ont arrêté la croissance de l'homme. La croissance du mental de l'homme. La croissance de la conscience de l'homme. Et le pouvoir, au lieu d'être de l'homme, dans l'homme, pour l'homme, il était pour les structures. Il était pour les civilisations. C'est fini avec l'évolution de la conscience supramentale. Ça commence un petit peu au niveau de l'inconscience des races, là. Il y a un processus d'individuation qui est en train de se créer dans le monde, là. Tu ne fais plus chier les jeunes aujourd'hui comme avant, hein? Nous autres, on est des vieux cons encore, là. Mais les jeunes, aujourd'hui, là, t'es fait plus chier. Les gouvernements font plus ce qu'ils veulent avec, là. Vous voyez ça, là, quand le IMF se présente à Seattle, là, ou à Washington, puis que les jeunes descendent des rues, là, puis qu'ils décident, là, que les gars qui sont en charge de la Banque mondiale, là, ils vont les écouter, là. Il va se passer quelque chose, là. Les jeunes, aujourd'hui, commencent à avoir du stork. C'est inconscient, ça fait partie de l'inconscient. Il n'y a pas d'individualisation là-dedans. Mais il y a un processus. Il y a un processus de conscience individuelle, sociale, un petit peu plus averti que dans notre temps. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, dans un sens, sont en train de mettre toutes les affaires à l'envers. La musique, à travers notre crise de musique, sont à mettre le monde à l'envers. À travers le cinéma, sont à mettre le monde à l'envers. À travers leur façon de vivre leur sexualité, ils sont en train de mettre le monde à l'envers. Mais dans le processus de mettre le monde à l'envers, ils sont en train de libérer l'homme des anciennes formes de l'évolution. Donc la jeunesse, puis ça a toujours été la jeunesse qui a servi la vieillesse. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. Je prends le jeune, là, qui n'a pas d'identité, puis qui est simplement, qui flirte avec la liberté provisoire, là. Puis je l'amène un step plus loin dans sa conscience personnelle, dans sa conscience individualisée, pour qu'il n'ait plus besoin d'aller à l'IMF, qu'il n'ait plus besoin de s'identifier là, comme un maniaque à la musique qui se passe, qu'il n'ait plus besoin de s'accrocher à des fils pour avoir l'expérience puis l'élixir de la sexualité, ainsi de suite, pour qu'il en arrive finalement à vivre une vie qui est basée sur sa conscience à lui. Point final! Qu'il n'ait plus besoin de se comparer aux autres jeunes dans son milieu, ainsi de suite, puis qu'il n'ait plus besoin de les suivre comme un singe. Ça, c'est le step plus loin de la conscience individualisée. Ils disent que l'homme doit prendre conscience de la polarité de son mental. La polarité de son mental, ça veut dire que dans son mental, il y a deux aspects. Un aspect qui est prescient, c'est nous autres. Un aspect qui est sien, c'est nous autres. Les deux ensemble forment ce qu'on appelle la conscience créative. L'aspect qui est prescient, c'est très, très difficile pour l'ego de l'absorber intégralement parce que l'homme n'a pas une vue d'ensemble de son expérience. Eux autres savent ce que tu vas faire dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils savent qu'en te faisant faire telle affaire aujourd'hui, tu vas arriver à telle affaire demain, tu vas arriver à telle affaire d'après-demain, tu vas arriver à telle affaire l'an prochain, puis ils t'amènent là, bang, bang, bang, bang, pour que tu rencontres ta future femme en Afrique du Nord quelque part. Ils savent, OK. Nous autres, on ne sait pas. Mais à partir du moment où l'homme commence à vivre en contact avec sa préscience, il commence à développer une conscience vibratoire, à ce moment-là, dans son processus de vie, puis dans son acheminement, si vous voulez, à travers la vie, il en arrive finalement à contrôler sa destinée, c'est-à-dire à ne plus s'ouvrir psychologiquement, subjectivement, des aspects contrôlés de sa programmation. Il comprend pourquoi est-ce qu'il a fini en Afrique du Nord. Il comprend pourquoi telle affaire est arrivée. Il comprend pourquoi est-ce que telle affaire est arrivée. Parce qu'il y a une conscience vibratoire ou, encore plus, il y a un contact télépathique avec le plan mental. C'est ça le résultat de la conscience. C'est ça la conscience supramentale. Pour nous autres, c'est pour des égos existentiels, philosophiques, réflexifs, c'est difficile d'assumer un nouveau rôle dans la composition mentale de notre moi. Car on a vécu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à l'abri de ça, sous le parapluie d'une pensée réflexive, structurée par le pouvoir temporel, dictée par l'élite intellectuelle des différentes civilisations. Puis arriver tout seul, là, tout seul, tosser Descartes, tosser l'Église, tosser Platon, tosser Socrate, ou aller plus loin que Platon, plus loin que Socrate, plus loin que les philosophes. Réaliser pourquoi la philosophie est impuissante. Parce que l'homme n'a pas été capable de développer une critique absolue. Être le concept, l'idée que l'homme a le pouvoir de développer une critique absolue, ça le fait trembler dans ses pattes, dans ses bottines. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas capable d'assumer, mais il n'est pas capable d'assumer le pouvoir de son mental individualisé. Qui c'est qui dit à toi en tant qu'individu que tu n'as pas le pouvoir de penser créativement en fonction de paramètres qui sont fondamentalement absolus, c'est-à-dire qui sont dictés par une conscience créative qui est absolue et qui est canalisée à travers toi, qui est capable de la recevoir parce que tu penses pas que tu penses. Il n'y a personne qui peut t'empêcher ça. Excepté toi-même, si tu as peur, si tu crains ta propre individualité. C'est pour ça que je vous dis, il y a bien du monde qui savent bien des affaires, qui savent beaucoup de choses. Il y a des hommes qui savent beaucoup de choses, mais ils ont peur de savoir qu'ils savent ça. Ils le mettent de côté. Ils vont aller voir leur voisin, ils vont dire, qu'est-ce que tu penses? Tu penses-tu que c'est vrai, ça, ce que je te dis? Ils ne sont pas capables, par eux autres, de vivre sans le questionnement qui nécessite la vérification ou la validité à partir d'un autre ego. Tant que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous dire, oui, c'est vrai, ce que tu dis ou ce que tu penses, vous ne serez pas dans votre conscience créatrice. Vous n'aurez pas de centricité. Vous serez simplement un membre encore affaibli d'une humanité évolutive. Moi, s'il faudrait que je me remette en question, je deviendrais fou instantanément. La réflexion, ça serait too much pour mon mental? Quand l'homme va arrêter de se remettre en question, l'homme va commencer à prendre conscience jusqu'à quel point il est intelligent. demandez pas au pouvoir, demandez pas au pouvoir temporel de vous discerner la palme de l'intelligence. Ils veulent la garder, la palme de l'intelligence, parce que le pouvoir temporel aime à contrôler la conscience collective. C'est l'histoire des grandes idéologies, des grandes philosophies, des grandes moqueries de l'homme qu'on appelle les religions. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai testé, là je fais plus ça aujourd'hui parce que je suis trop habitué au contact, mais en 69, quand j'ai vu la fusion, j'avais testé Notre Père qui est aux cieux. J'ai dit, tu vas m'expliquer ça, Chris, le Notre Père qui est aux cieux. Fait que j'ai dit, dis la prière. Là, je m'en rappellerai plus tout, là. Il dit, dis la prière. Fait que je commence. Notre Père qui est aux cieux, il dit, ah, je cite. Que votre nom soit sanctifié. Il dit, je suis dans la lumière. Que votre nom soit sanctifié. C'est quoi, frère? Que votre règne arrive. Il dit, quand tu me comprendras. Puis il est allé de même, là. Jusqu'à la fin. Puis quand je suis arrivé à Amen, il dit, c'est assez. Fait qu'ils ont tout transformé l'illusion de la pensée en conscience créatrice. Puis j'ai finalement compris l'illusion de prière. Fait qu'il dit, la prochaine fois, parle-moi dans le dimanche. Fait qu'imagine-toi si on était piégés pendant des siècles, puis des siècles. Fait que demande-toi pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est plus évolué en science qu'en intelligence. Puis qu'on est capable, avec des sciences très, très avancées, de mettre des planètes à feu comme on a fait. Parce que de la science, sans conscience, ça ne vaut pas de la marde. Ils disent, de la conscience individualisée, ça n'a aucun substitut. Ça veut dire, ça, qu'un homme, qu'une conscience individualisée ne peut pas avoir de substitut en tant qu'être. Quand même, votre conscience, elle est un petit peu individualisée, il n'y a pas de substitut. Après ça, elle est plus individualisée, puis plus individualisée, puis plus individualisée. Donc, un homme qui a une conscience totalement individualisée, il n'y a plus de substitut. Ça, c'est une conscience intégrale, c'est une conscience intégrée. Donc, c'est pour ça que je dis, regardez-les bien, vos vies, puis vos connexions avec les systèmes de pensée, puis les systèmes de valeurs. Parce que ce sont ces systèmes de pensée et de valeurs-là qui tiennent l'homme emprisonné du pouvoir temporel. Puis tant que vous ne serez pas capable, en tant qu'individu, de vous libérer de ça, vous ne pourrez jamais bénéficier de... Vous ne pourrez jamais être libre. Vous aurez un libre arbitre, mais vous ne pourrez pas être libre. Moi, je n'ai pas le droit en tant que personne publique, j'ai pas le droit en tant que personne publique d'influencer le monde au niveau de certaines valeurs moraux sociétales. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que je créerais plus de bouleversements que d'autres choses. Mais la petite fille qui se fait mettre enceinte par un gars qui part et qui s'en va, puis qui a le dilemme philosophique, psychologique, de savoir elle garde-tu ou elle garde pas son enfant, il faut qu'elle soit un jour capable, elle-même, par elle-même, de savoir ce qu'elle fait avec. Mais si la petite fille est dans une conscience réflexive, qu'elle est extrêmement ancrée dans la mémoire de la race, c'est évident qu'elle va vivre une souffrance psychologique à son paroxysme. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas d'identité. Moi, je n'ai pas le droit publiquement de vous donner les réponses à ces questions-là. Parce que je n'ai pas le droit d'influencer la société ou l'individu dans la société, surtout si ce que je peux dire peut aller contre les lois sociales dans certains pays, dans certaines région du globe, et ainsi de suite. Mais je peux vous dire une chose, que la petite fille, un jour, si elle se conscientise, elle va avoir la réponse très, très facile à son dilemme. Donc, quand tu es conscient, les réponses philosophiques, les dilemmes philosophiques n'existent plus. Quand tu penses simplement qu'en Irlande, ça fait quoi, 2 ans, là, que la femme en Irlande a le droit de se divorcer? Il y a toujours bien un Christ de bout. Deux ans. Faut-tu être tata? Ça va loin, le pouvoir des religions. Puis la crainte des peuples, la crainte spirituelle des peuples, puis le pouvoir des gouvernements, puis la crainte des gouvernements de brimer le pouvoir des églises qu'ils ont supporté pendant longtemps. Ça va loin. Fait que même tous ces filles-là qui sont poignées avec des cons qui passent leur crise de temps dans un pub à boire de la bière, puis qui ne sont pas capables d'écrisser là parce que il y a des structures autour qui les empêchent de faire. Demande-toi pas pourquoi les femmes souffrent. Puis dans chaque pays, il y a des structures, il y a des architectures comme ça qui empêchent l'homme d'être libre. C'est pour ça que l'homme deviendra libre quand il sera capable de se prendre en main lui-même. Mais tant que vous attendrez que ce soit les églises ou le pouvoir temporel sur la terre, que vous soyez de n'importe quelle crise de pays, vous prenez en main, vous serez fait à l'as. Vous ne ferez jamais partie de l'évolution et ce sera absolument non nécessaire pour vous autres de comprendre l'occulte du mental. D'ailleurs, vous ne serez pas capable. Quand l'homme comprendra que sa relation avec les plans est une relation moroncielle et non pas une relation planétaire ou astrale, l'homme comprendra qu'est-ce que c'est être réel. Il comprendra qu'est-ce que c'est la genèse du réel. Pas la genèse de la vérité. Du réel. Les lois occultes de la vie que l'homme n'a jamais compris, parce que jamais le temps n'était pas venu pour qu'il comprenne. Le lien avec le plan mental, c'est un lien moroncien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, dans sa qualité substantive, le lien est toujours créatif. Ça veut dire ça, techniquement, que quel que soit ce qu'ils font vivre à l'homme, ils ont toujours raison, les enfants de chienne. C'est réel. Pardon? C'est plus réel. C'est réel, dans le sens qu'ils ont toujours raison parce qu'ils font toujours un travail d'ajustement. Puis ils font le travail d'ajustement à travers nos faiblesses à nous autres, nos craintes aussi, nos autres. Fait que c'est toujours réel. Ça fait mal, mais c'est réel. Puis après, si on regarde en arrière, on voit ce que le changement, puis on dit, ouais, si il y a raison, l'enfant de chienne. Mais on les haït pareil. Ça, là, le meilleur exemple, c'est comme un trainer qui entraîne un athlète olympique. Tu sais, quand le gars, il pousse l'athlète au bout, là, puis va donc faire un autre 25 000 le matin, là. Viens pas me dire que l'athlète l'aime, son trainer. Mais quand il gagne aux Olympiques, tabarnak, il l'aime, son trainer. C'est un petit peu de même notre relation avec eux. Moi, je les haïs comme aucun initié n'a jamais haï les plans. Puis par contre, je suis capable, en conférence, de vous dire, ils ont toujours raison, les enfants de chien. Puis une relation moroncielle, c'est une relation où l'homme, finalement, prend conscience que dans son expérience, il n'y a aucune perte d'énergie. Dans une relation astrale, oui. Dans une relation moroncielle, l'homme prend conscience qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est ultimement qu'ils ont toujours raison, les enfants de chienne. Moi, je vous contrerai des expériences que j'ai vécues en tant qu'initié dans ma vie. Vous diriez après qu'il y a un crise de bout. Puis je vous dirai qu'il y avait toujours raison. Ils disent que dans une relation moroncielle, l'homme est capable de vivre sa puissance sans nécessairement vivre le pouvoir. C'est intéressant. Checkez-la, celle-là. Checkez-la, celle-là. Parce que vous allez vous faire prendre dans celle-là. Le pouvoir, c'est pas moronciel, c'est astral. La puissance, c'est moronciel. C'est quoi la différence entre les deux? Au-delà de ça, le pouvoir, c'est pour l'ego. La puissance, ça fait partie de la fusion de l'âme et de l'esprit. Il n'y a plus de trace de break dans puissance. Quand un homme est en puissance, il n'y a plus de trace de break en arrière. C'est comme tu brûles du gaz avec ton char, mais il n'y a plus de carbone, il n'y a plus de fumée, c'est clean, c'est comme l'hydrogène. Dans puissance, c'est clean. Dans le pouvoir, il y a des traces de break. Que ce soit le pouvoir spirituel, que ce soit le pouvoir des maîtres, que ce soit le pouvoir des religions, que ce soit le pouvoir de l'époque, dans le pouvoir, il y a des traces de break. Dans la puissance créative de l'homme, il n'y a aucune trace de break. Fait qu'un homme qui est en puissance créative, qui est en conscience moroncielle, il peut faire n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi, c'est toujours clean. C'est toujours transparent. Il n'y a pas de trace de break. Il met l'homme en vibration, c'est tout. Mais il ne met pas l'homme en soumission. Au contraire, crisse ton camp, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Alors que pendant l'évolution, le pouvoir est astral, puis c'était viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. C'est pour ça qu'il y a eu des religions, qu'il y a eu des cultes. Moi, je ne peux même pas penser au culte, je tombe en vibration tout de suite. Vous vous rappelez Waco au Texas, hein? Ils l'ont fait sauter, cette calice-là, ils l'ont bien fait. C'est une calice. Garder les enfants d'un. Ça prend-tu des calices d'astral? Moi, j'ai voulu un jour, je t'ai voulu dire, m'allouer le fédéral, m'allouer le provincial, m'allouer la police fédérale, ou n'importe quelle police, puis je vais leur donner des cours dans les d'un culte. Comment ça marche un culte? C'est quoi l'hydarchie d'un culte? Je ne l'ai jamais fait. J'aurais dû le faire. Peut-être qu'il serait venu me voir, parce que la police me connaît. S'il serait venu me voir et m'a dit, M. Berlard, êtes-vous capable de me donner un coup à nous autres, là? Comment ça marche, cette affaire-là? Je te redonne un crisse de coup. Les maîtres, les gourous, toute cette crisse de gang-là, là. Ah, tabarnak. Puis il y en a pas mal au Québec, hein? En tout cas, ça, je ne veux pas parler de s'asseoir parce que je vais venir. Yes. Le verre, il va se lever tout seul. Ah, la puissance puis le pouvoir. Mais je pense que je n'ai assez parlé dans mes cassettes au cours des années de ça. Je pense que le monde sont un petit peu au parfum. Là. Hein? Bernard, la puissance, elle dérange. Elle dérange tout le temps. Elle dérange tout le temps parce que... Pourquoi est-ce qu'elle dérange? Parce qu'elle met toutes les formes en vibration. Parce que le pouvoir, il peut faire ton affaire. C'est pas que c'est si dangereux, le pouvoir. Il fait ton affaire. Fait que les hommes qui ont utilisé le pouvoir, que ce soit dans les religions, dans les idéologies, regarde Hitler, regarde Marx, Staline, ça fait ton affaire. Le pouvoir fait l'affaire à l'ego. La puissance, au contraire, ça ne fait jamais l'affaire. Pourquoi? Ça ne fait pas l'affaire. Parce que la puissance est vibratoire. Parce que le pouvoir est psychologique. Le pouvoir séduit. Garde la séduction, ça c'est intéressant. C'est quoi de la séduction? Ils disent que la séduction, c'est la capacité... Voyons, je recommence. Il dit, la séduction, je la parle, il parle trop vite. Fait que il va falloir que je le lise. La séduction, c'est la manipulation de la conscience animale de l'homme jusqu'à temps qu'elle soit endormie. C'est ça, la séduction. Bonne définition, ça. C'est ça, la séduction. Ça a l'air d'un serpent. Oui, ça a l'air d'un serpent. C'est intéressant, la séduction. C'est intéressant, la séduction. Je devrais faire une conférence un jour sur la séduction. Il y a des gens qui disent, bien, pourquoi vous ne donnez pas des titres? La raison pour laquelle je ne vous donne pas des titres à mes conférences, c'est parce que je parle de n'importe quoi, c'est important. Tandis que si je donne des titres, là, le monde va dire, ah, bien, je vais aller à celle-là, je n'irai pas à celle-là. Ils sont tout importants. Mais peut-être qu'un jour, je vais redonner des titres, parce que il y a des concepts de séduction, pour en nommer un, qui a bien du matériel là-dedans. J'aimerais ça faire de la voyance là-dedans. Puis voir ce qu'ils ont à dire sur la séduction, à tous les niveaux. Toi, tu m'en poses des bonnes questions. Séduction. C'est quoi la séduction? Ils disent que la séduction, c'est une manipulation astrale qu'on ne peut pas opposer. C'est dangereux. Ils ne sont pas capables de s'opposer à ça. Moi, si vous essayez de me séduire, vous êtes fait à l'os. Je ne suis pas séduisable. Parce qu'il y a assez de présence d'esprit pour s'opposer à vous dans ma conscience mentale. Je l'avoue tout de suite, autrement dit. L'homme n'avoue pas la séduction. Puis c'est très important pour l'homme de l'avoir, la séduction. Parce qu'il dit, c'est la façon à l'astral de dominer sa nature. Ça revient à la croyance, la séduction. Bien intéressant, ce phénomène-là. Fait que ça revient à quoi? Ça revient à de la présence d'esprit. C'est quoi de la présence d'esprit? S'ils disent que c'est la réalisation qu'on est toujours là derrière. À travers vos pensées qui sont colorées, puis subjectives, puis qui sont personnalisées, puis qui vous donnent l'impression que c'est vous autres qui pensez. Ils disent, on est toujours là en arrière. Puis ils disent qu'ils essayent de percer, puis percer, puis percer, puis percer, pour qu'on arrive à passer un jour du « je » au-dessus. Mais quand ils sont capables de passer du « je » au-dessus, à ce moment-là, bien, l'homme est prêt à plus penser subjectivement, il est prêt à conscience télépathique, puis à ce moment-là, bien, il sort de sa personnalité, puis il rentre dans sa personne. Puis c'est ça l'identité. Puis après ça, bien, c'est un développement qui n'a plus de fin. Bye. Question?